Bonjour, you're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis St. Paul, and streaming at KFAI.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul, et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons, ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. Bonsoir, bonsoir. Et bonsoir, Freddy. Bonsoir, Adrien. Comment ça va? Très bien, très bien. Écoute. Bah, tout pareil. Hein. Tout pareil. Nice night, nice day. Oh, magnifique, magnifique. What a sunset tonight. Yeah, I was a little bit sad yesterday because it was nice enough for me to go out for work. Mm-hmm. And I didn't. So I did on Sunday, like, even though it was dark, you know, I decided to go. But yeah, yesterday I could have gone, and even tonight. But tonight I was too tired. There was no way, and stuff to do anyway. So yeah. Yeah. But, we're here. So we're here for the next 2 hours. Voilà. We have a special show tonight. Very. We are celebrating Quebec. Oui. And the reason is because on Sunday, the 22nd, le vent du Nord is going to be there. Le vent du Nord. Le vent du Nord, the North Wind, the big band from Quebec. And very like traditional music and very uplifting for the most part. Yeah. They don't have that many like depressing and sad songs, so that's kind of nice. Thank goodness, right? Because they're even more northern than we are. Yes, yes. It's good. So they're coming here to play on the 22nd. Yeah, at the Cedar Cultural Center, so next door, like a block away. Yeah, neighbors. Yeah, that'll be fun. So feel free to go to, the Cedar Cultural Center and get a ticket if you don't have one. But we have a pair of tickets to give away tonight. Ooh. So if you send us an email at bonjourminnesota@gmail.com, you just need to say, like, you want to go to see Le Vent du Nord, and you don't have to spell it right, especially if you've never seen it. Well, the show from Quebec, we just need your name, email, and phone number, so that's... really not much, so a pair of tickets. Super. For free. It's just like, it's a pre-celebration of the pledge drive that starts this week. And but for 2 weeks, and next week we'll celebrate again. That's amazing. I think we should say thank you to the Cedar Cultural Center for being our partners, mm-hmm. and making sure that, you know, our listeners get an opportunity to get tickets. And that's very exciting. Are we going to play some songs from Le Vent du Nord? Of course. We're going to start with Le Vent du Nord if I can get ready for it. The North Wind. Yes. From Quebec. So glad they're coming. That is very exciting. It's not the first time. It's not the last time. Here we go. So that's going to be fun. And next week, Pledge Drive. I mean, it starts on Thursday, technically. Yeah, it is. Yeah. And... I mean, you know, every time you give money to KFAI, you have some KFAI goodies, but we also have ours. And it turns out that on this pledge drive, we're going to have a guest next week who will talk about it much better than I can, but we'll have a guest from Panache. Ah, oui. Amita from Panache is going to be here, and they have wonderful juice and... cider and juices. Cider. Yeah. So that's excellent. We we kind of got lucky. I mean, Amita knows about our pledge drive, but last Saturday we went to Paris Crepe, a new crepe restaurant that just opened on Selby Avenue. Mm-hmm. It's next to Snelling on the east side. By the Whole Foods and the it's in front of the Whole Foods parking. Yeah. Rose Street also is there, right? On the other, on the other side. Yeah. Okay. Rose Street is on the west side, and the crêperie is not quite on the corner because there's a restaurant called Yum or something like that. Mm-hmm. So you got to keep going a little bit after the neighborhood cafe. And yeah. But when I say a little bit, it's really like, you know, it's part of the same building. Block. Yep. Part. Mm-hmm. So where O'Gara's was. Yeah, O'Gara's was at the corner, though. Yep. So a little bit further down from that. That is true. That is right. And it turns out that the boss is French. He's from Rennes. And his parents had a crêperie. So he kind of grew up in it. And That's cool. Yeah, it's super cool. That is a intergenerational crêperie. This is serious. Yeah. And from Rennes here. We're talking the epicenter of crepes. Yeah, from Brittany. So that's, in Brittany, they are pretty famous for crepe and cider and being drunk. And, not only. I mean, each region. But he called it Paris crepe. Yes. Not Rennes crepe. Yeah, because nobody knows about Rennes. But that's where the best crepes are from. That's so true. That's it's true. Worth checking it out, I think. Yeah, I'm definitely going to try it. And they have like a reward card, like a punch card and stuff. Okay, so nice. I just had like a simple one with sugar. Yeah. And lemon, and that was pretty good. That's the best way to try it. Yeah. Sugar and lemon and butter. Little bit of butter. Just good Brittany butter. Just to try it, because next time I'm going for the berry one. Yeah, berries? Oh, good. Still get nutrients. You're not going Nutella encore. No, but berries with like the whipped cream and things like that, that sounds pretty good. That sounds really good. They also have like, how do you call that? Like savory crepes. Yeah. So that's like complete with some egg and egg, ham, and cheese. Yeah. But the good cheese, l'emmental râpé. Yep. The good, the good kind. Okay. Well, we're going to start to listen to music, and we're going to listen to three songs from Le Vent du Nord. So the first song is called Américois, and this is the song that starts Christine Lloyd's movie. Ah oui. En avant, ou L'Étoile du Nord. Mm-hmm. I have a t-shirt, L'Étoile du Nord, by the way, tonight. I think I'll wash it for Sunday. And so Le Vent du Nord gave away all of their songs. So during the movie, when you hear a song from Le Vent du Nord, you can say thanks to them, because Christine was able to have their songs, and they offer the songs and things like that. And she knows them. She knows them pretty well. Hmm. She should be around. But so it's the beginning of a movie that has this song Américois, and it's a mix. I'm not sure exactly, because Améri is for Amérique, but quoi, I don't know if it's for the Iroquois or for quoi, like what in French. And then we're going to listen to Les Amants du Saint-Laurent, The Lovers of the Saint-Laurent, which is a big river in Quebec, and Vive l'amour, Hooray for Love, and it's a live version, so that should be very nice. On y va? Okay, c'est parti. Expédition nouvelle terre de découvreurs en canoté. Expédition nouvelle terre de découvreurs en canoté. Jeune nation comme les premières à voyager sur les rivières. S'approprier les durs hivers, monter le fleuve jusqu'à ses mains. S'approprier les durs hivers, monter le fleuve jusqu'à ses mains. Mississippi, enjeu de guerre et grande paix avec nos frères. Américois, gens du voyage, Québec à nord, en métissage de nos amours, de nos courages, marquez nos chants du paysage. C'est une histoire où les bûcherons partaient au bois avec des cils. C'est une histoire où les bûcherons partaient au bois avec des cils. Revenant à la belle saison, réponse en poche à leurs questions. Ils allaient bien ouvrir le nord, fonder des villes, garder des forts. Ils allaient bien ouvrir le nord, fonder des villes, garder des forts. Canot volant dans le ciel noir, à s'imprégner du territoire. Américois, gens du voyage, Québec un homme, métissage de nos amours, de nos courages, parquer nos chants du paysage. L'agent on aura des serres et l'école. Le Riel, l'agent de sage, on aura des serres et l'école. Des carrés blancs en héritage, aux carrés rouges durant le vol. C'est une langue aux quatre vents laissant des traces des enfants. C'est une langue aux quatre vents laissant des traces des enfants. Un peu de France, beaucoup de temps, notre Amérique aura vu grand. Américois, gens du voyage, Québec un homme, métissage de nos amours, de nos courages, marquer nos chants du paysage. Américois, gens du voyage, Québec un homme, métissage de nos amours, de nos courages, marquer nos chants du paysage. Pierre-Joseph était un jeune marchand, n'avait seulement que 19 ans. Louise Cadet, fille du marchand boucher, a quant à elle 17 années. Québec 1754, amoureux fous, ils sont tombés dans une veillée, leur chère Agathe. Québec 1754, amoureux fous, ils sont tombés dans une veillée, la chère Agathe. Se marier dans la jeunesse les accusant. Jean le tuteur du bientôt jeune galant refusa son consentement. Ils eurent s'enfuir vers Montréal, éviter les charivaris, prendre un canot en pleine nuit. Ils eurent s'enfuir vers Montréal, éviter les charivaris, prendre un canot en pleine nuit. Ils eurent su leur fugue et aussitôt en voyant les archers de la marée-chaussée, le Saint-Laurent, sa grève de Saint-Nicolas, des amoureux furent capturés dans les cachots de la capitale. Pierre accusé d'enlèvement s'enfuit de la prison royale. Dans les cachots de la capitale, Pierre accusé d'enlèvement s'enfuit de la prison royale. Sept ans plus tard, par un beau lundi matin, roi petit, sans prévenir, c'est votre amant qui à nouveau tend la main. Ouvrez la porte des souvenirs, puis parcouru bien les vallées pour revenir à l'endroit même où mes yeux vous avez quitté. J'ai parcouru bien les vallées pour revenir à l'endroit même où mes yeux vous avez quitté. J'ai parcouru bien les vallées pour revenir à l'endroit même où mes yeux vous avec Pythéen. Tired of spending so much time and money on vehicle maintenance and repairs? Make this October Cartober when you donate a car, truck, or RV to KFAI. Visit KFAI.org to get started. KFAI is proud to present Jenny and the Mexicats at the Dakota on Sunday, November 5th. Jenny and the Mexicats are a quartet fusion of nationalities, personalities, and musicalities. With a mix of rockabilly, cumbia, jazz, flamenco, performed in both English and in Spanish. Tickets for Jenny and the Mexicats can be found at the Dakota website. Visit dakotacooks.com for more details. Welcome back on Bonjour Minnesota with Freddy and Adrian. Alors, we listen to three songs from the North Wind. Yes, Le Vent du Nord from Quebec. The first song was Américois, and the second one was Les Amants du Saint-Laurent, and the third one was Vive l'Amour. Yeah. And as far as I know, we haven't received any email to win a couple of tickets to go see them, because they're going to be at the Cedar on the 22nd, Sunday 22nd. Okay, well, the Cedar is offering a pair of tickets to see the show this Sunday at 7 p.m., I believe. Mm-hmm. So, yeah, if you're interested, now that you get the vibe, I think they're going to be excellent live. They and are. Again, we have, a couple of tickets from the Cedar. So thank you so much. This is great news. So you just need to send us an email at bonjourminnesota@gmail.com. And we just need your name, phone number, and email address. But we'll have it because you're going to email us. Yeah, we just put you on the list and you can just show whether you're plus one or by yourself. Yeah. And yeah, that should be great. I think I'm going to go. I went to see them once, but it was like 2 or 3 years ago. And I think it's going to be even more fun now. Yeah. I think so. Yes. We're going to listen to, so all night long, we're going to listen to music from Quebec. But that's awesome. I mean, all night long. Okay, until 10 o'clock. Yes. We have to leave at some point. But, and just as a reminder, next week is, not next week, this upcoming Thursday is starting the pledge drive. So you can get ready to give us money like next Tuesday. We'll yeah. be there. Exactly. The pledge drive, you know how it works. It's a few times a year. And that's really the main source of one of the main source of fundings from donation for that's KFAI, true. For the radio station here. So that allows, you know, for anything to keep this going. And also what you can get at times is when you donate, whether it's online or through calling the phone line over here, you can also get some premium. Usually, and that's also special edition. They change the logo every year, so it keeps it really fun, and you also get something back from your participation. Yeah, and we'll have some kit of juice and cider from Panache. Yeah, that's to give away. So yeah, that's from Amida. So excellent, and she'll come as well in the studio and kind of explain the story behind Panache, which is really interesting, and it's really really a fun cider with different flavors, different styles. It's kind of a new twist, I would say, on cider, and it's really healthy. So indeed. So we're gonna listen to now. We're gonna listen to three more songs. We're gonna listen to Les Canadiens Errants. Oh, yeah. Which is a local band with, you know, a lot of people we know. Right. And the name of the song is Prendre un petit coup. And the French version of the song is Prendre un verre. Boire un petit coup. Ouais, boire un petit coup. Boire un verre. And then after that, it's going to be a Toronto University men's chorus. And it's one of the classic Alouette. Chanson des voyageurs, Alouette. It reminds us of our dear friends from from the camp des voyageurs là-haut, dans le nord du Minnesota. Hein. Still right. keeping those songs alive after generations. That's true. Pierre as well, Pierre is part of the John. Yes. Yeah. Yeah, exactly. And then the set will end with Les Charbonniers de l'Enfer. And it's Bienvenue chez les humains. Welcome to with the human beings or to the human beings. Right. All right, on y va? Okay. Nous irons au bois tous deux. plumerai la tête, je t'y plumerai la tête, je t'y plumerai la tête, je t'y plumerai la tête, et la tête, et la tête, Alouette, Alouette, oh, Alouette, gentille Alouette, Alouette, je t'y plumerai, Alouette, gentille Alouette, Alouette, je t'y plumerai, je t'y plumerai les yeux, je t'y plumerai les yeux, je t'y plumerai les yeux, je t'y plumerai les yeux, et les yeux. Et la tête, Alouette, Alouette, oh, Alouette, gentille Alouette, Alouette, je t'y plumerai, Alouette, gentille Alouette, Alouette, je t'y plumerai, je t'y plumerai le bec, je t'y plumerai le bec, je t'y plumerai le bec, je t'y plumerai le bec, et le bec, et les yeux, et la tête, et la tête, Alouette, Alouette, oh. Alouette, Alouette, je t'y plumerai. Alouette, gentille Alouette, Alouette, je t'y plumerai. Je t'y plumerai le dos, je t'y plumerai le dos, je t'y plumerai le dos, je t'y plumerai le dos. Et le dos, et le dos, et le bec, et le bec, et les yeux, et les yeux, et la tête, et la tête. Alouette, Alouette, Alouette, gentille Alouette, Alouette, je t'y plumerai. Alouette, gentille Alouette, Alouette, je t'y plumerai. Je t'y plumerai la queue, je t'y plumerai la queue, je t'y plumerai la queue, je t'y plumerai la queue. Et la queue, et la queue, et le dos, et le dos, et le bec, et le bec, et les yeux, et les yeux, et la tête, et la tête. Alouette, Alouette, oh, Alouette, gentille Alouette, Alouette, je t'y plumerai. Il est venu de Beauvent d'armes braves, j'en retenez vos larmes. Il est venu de beaux gendarmes braves, j'en retenez vos larmes. Ils sont restés sur le palier, mauvaise nouvelle à annoncer. Madame, votre fils est trépassé, désolé. Sont repartis sur le chemin, sans même lui prêter la main. Dieu sait qu'elle en avait besoin. Bienvenue chez les humains. Il est venu de contre-maître brave, j'en ferme vos fenêtres. Il est venu de contre-maître brave, j'en ferme vos fenêtres. On va démolir à côté, sûrement que ça va vous ébranler. Et que vos murs vont fissurer, désolé. Y'a des problèmes, c'est certain, quand on vit en milieu urbain. Payez un avocat demain. Bienvenue chez les humains. Il est venu de beaux internes braves, j'en cachais vos lanternes. Il est venu de beaux internes braves, j'en cachais vos lanternes. Madame, on va vous opérer, trancher votre féminité. Ça sert à rien de se lamenter, désolé. Allons, ça se passera bien, c'est pas grand-chose, presque rien. À votre âge, n'avez plus besoin. Bienvenue chez les humains. Il est venu deux infirmières braves, j'en dites vos prières. Il est venu deux infirmières braves, j'en dites vos prières. La pauvre vieille était tombée après avoir bien appelé. Madame, on va vous attacher, désolé. Elle a pleuré, c'était en vain, on n'a pas le temps ce matin. Lui ont bridé ses pauvres mains. Bienvenue chez les humains. Il est venu de militaires militaire brave, j'ai oublié la guerre. Il est venu de militaire brave, j'ai oublié la guerre. On s'excuse, mais on a tiré par erreur et on a tué. Bon soldat du mauvais côté, désolé. Mais si on massacre demain des gens qui nous demandaient rien, sûr qu'on s'en lavera les mains. Bienvenue chez les humains. On est venu sur cette scène, braves gens qu'ils vous en souviennent. On est venu sur cette scène, braves gens qu'ils vous en souviennent. Tous le cœur du même côté, qu'est-ce qui nous a dénaturés? Qui fait de nous des étrangers, désolé. On n'est pas tous des assassins, des égoïstes, des gredins. Mais qu'est-ce qui fait de nous des chiens? Bienvenue chez les humains. Voilà, voilà, c'était les Canadiens errants with oui. Prendre un petit coup. Ouais. And in France, we say boire un petit coup. Voilà. Parce qu'on ne prend pas, on le boit. Boire un petit coup. We don't take it, we ouais. drink it. Ou and on prend un verre. On prend un verre, yeah, that's true. Surtout à Paris. Yeah, ok. Is there elsewhere? Everywhere. We can prendre un verre everywhere. And then after that, it was Toronto University Men's Chorus with Alouette. Mm-hmm. And which is classic, hein? I mean, classic. And that version, I think, was really perfect hein? In the style. That was a more traditional style to mm-hmm. Alouette. Exactly, the bird that you, you know, you pluck. That you pluck, yeah. What's like Alouette? Yeah. And then just now was Les Charbonniers de l'Enfer with Bienvenue chez les Humains. Voilà. And yeah, and we're going to listen to more music. We're going to keep on doing that. Yeah. We have more events to share a little bit later. But next week is Pledge Drive, so we'll have more to talk about. In the meantime, if you're not familiar with our program, we are here every Tuesday from 8 to 10 p.m. And all the shows are recorded. So if you miss our show, you still can listen to it the next day. Then, if, for example, we give stuff away, like tonight, we are giving a pair of tickets for Le Vent du Nord, who will be, the band will be there at the Cedar on Sunday, the 22nd, and it's the next day, you still can send us an email because sometimes we have extra tickets, sometimes people don't really rush right away. For Le Vent du Nord, typically it's pretty popular. Yeah. So it might go pretty fast, but uh-huh. one never know. I mean, it doesn't hurt. You send an email. If it's gone, I'll just let you know it's gone. Mm-hmm. And if it's not, I'll let you know you got it. Wow. So that was pretty cool. And we're going to listen to more songs about Quebec to celebrate Le Vent du Nord coming to Minnesota. We're going to listen to two songs from a band called Genticorum. And the first song is going to be called La Batelière. And La Batelière is someone who's, it's a lady who's beating. Battre is beating, and typically that was about laundry. Yeah. The old-fashioned way to do laundry. Mm-hmm. And then the second song is Légère Bergère. So light... shepherd. All the professions, I guess. And then after that, we're going to listen to Art Rouge with Destination. And the two songs, Genticorum, actually, I got someone with an email, like, just sent me, like, hey, I heard, I've seen that you played Le Vent du Nord. I think you like these guys. So. Oh, nice. Yeah. It's very, like, traditional Quebec songs, and yeah, you can imagine them running in the woods and with a gopher hat, something like that. Someone suggested the song. It's like some kind of a platform, but it's on Bonjour Minnesota. Exactly. Yeah, great. Well, all if there are any songs you'd like to recommend us to listen to, please go ahead. Also, you can put that in the email bonjourminnesota@gmail.com. On y va. C'est parti. C'est un galant des alentours, tous les dimanches va faire un tour. C'est en passant le long de la rivière qu'il rencontre la jolie batelière. C'est en passant le long de la rivière qu'il rencontre la jolie batelière. Galant embarque dans mon bateau, faire passer l'eau. Dans mon bateau, il y a de jolies chaises. Tu traverseras la rivière à ton aise. Dans mon bateau, il y a de jolies chaises. Tu traverseras la rivière à ton aise. Sont-ils chers pour 100 écus, peut-on les voir? 100 écus, ça c'est pas grand-chose. Pour 1000 de plus, mes amours sont les vôtres. 100 écus, ça c'est pas grand-chose. Pour 1000 de plus, mes amours sont les vôtres. Galant, vois-tu cette maison? C'est là que nous débarquerons. Monterons dans la plus haute chambre, nous parlerons de nos amours ensemble. Nous monterons dans la plus haute chambre, nous parlerons de nos amours ensemble. Traverser le galant débarque le premier. La belle donne un coup d'aviron sur terre. Elle s'éloigne bien vite sur la rivière. La belle donne un coup d'aviron sur terre. Elle s'éloigne bien vite sur la rivière. Belle, revenez, belle, revenez. Pour vos amours, j'ai bien payé. Ni pour 100, ni 200, ni pour 1000, ça t'apprendra à jouer avec les filles. Ni pour 100, ni 200, ni pour 1000, ça t'apprendra à jouer avec les filles. Oh, que vont dire mes bons parents? La belle t'a pris tout mon argent. Tu leur diras traversant la tu as joué avec la batelière. Tu leur diras traversant la rivière. Tu as joué avec la batelière. Mon Pierre, d'où reviens-tu aujourd'hui? Je reviens de sur ces côtes, je reviens d'y voir mamie. Tout en haut de sur l'herbe de nos amours. la plus haute de ses côtes, nous bâtirons notre nid. Sautons légère bergère, dansons légèrement. Sautons légère bergère, dansons légèrement. M'importe de l'argent, l'amitié de ma maîtresse vaut le double assurément. Quand nous entrons dans la danse, la vie coule simplement. Sautons légère bergère, dansons légèrement. Sautons légère bergère, dansons légèrement. Quand nous entrons dans la danse, la vie coule simplement. She came from a little town near Jonquière. I met her by the river and I lay with her there. I fell deep into her blue eyes. We drank the moon till it was dry. Our parents were enemies and never got along. They said it wouldn't work, they said it was wrong. But I married her anyway, I listened to my heart. I swore our love would never come apart. Ma jolie fleur, tes yeux sont bleus. Je t'aime, I still love you. Ma jolie fleur, it can't be true. Je t'aime, I still love you. Les cheveux roux comme les feux d'automne. Il était enfant, il était si jeune. Il m'a chanté une chanson. Sa voix m'a donné des frissons. Ma jolie fleur, tes yeux sont bleus. Je t'aime, t'aime, I still love you. Ma jolie fleur, it can't be true. Je t'aime, I still love you. We had some kids and our family grew. On avait les batailles like families do. Nos parents ont raconté those lies that drove her love away. Ma jolie fleur, tes yeux sont bleus. Je t'aime, I still love you. Ma jolie fleur, it can't be true. Je t'aime, I still love you. Ma jolie fleur, je me souviens those cold, cold nights you held my hand. Ne me quitte pas, laisse-moi chanter. Don't let our love just fade. I'm on a northbound train and it moves too slow. But I'll make it back, my Chevy, please don't go. Regarde les enfants entre nous. Their hair is red, les yeux sont bleus, ma jolie fleur. Les yeux sont bleus, je t'aime, I still love you, ma jolie fleur. Can't be true, je t'aime, I still love you, ma jolie fleur. Les yeux sont bleus, je t'aime, I still love you, ma jolie fleur. Can't be true, I love you. Et voilà, voilà, voilà. We are back after three songs, still from Quebec. And we just listened to two songs from Gentil Quorum with La Batelière. That was the first song. And the second song was Légère Bergère. And then the third song was from Heart Rouge with Destination. Destination. Voilà. And that was pretty cool. Hey. I liked it. Very pleasant. Yep. A good time. And still no winner for the tickets for Le Vent du Nord, as far as I can tell, because maybe I got the email and it's not there yet. But we have a pair of tickets to give away, and the first person who asks for it, I'll get the pair. C'est ça. And you just need to send an email at bonjourminnesota@gmail.com. And we just need your name, a phone number, and an email address, which we'll have. In the meantime, we're going to keep on playing music. We're going to listen to an instrumental this time. It's from a band called Adviel Kepua. Mm-hmm. And it's a play on word, because the saying is Advienne que pourra, you know, like we shall see, pretty much. But instead of Advienne, it's Adviel. Viel is the hurdy-gurdy. It's the name for hurdy-gurdy. Oh. So the name of the song is Un Québécois à Caracas. Someone from Quebec in Caracas. That's peculiar. Yeah, it is. And then after that, we're going to listen to Véro and Sylve with Ma Tante Gervais. So My Aunt Gervais. Mm-hmm. And Gervais was one of the founders of Little Canada. Yeah. I don't know if it's connected or not. Yeah, it must because be. Because it might be, yeah. It might be a very common name over there. Yeah. And then the band we're going to listen to for the third song is going to be Mauvais Sort, Bad Juju, Bad Spell. And it's the name of the song is Madeleine, like the first name. Super. Or the cookie. Okay. I mean, you know, you can decide which one it is. All right. On y va. Parti, Freddy. Thank you. La chanson que je vais vous chanter, c'est une chanson pourrie. La chanson que je vais vous chanter, c'est une chanson pourrie. S'il y a un mot de vérité, je veux que l'on m'y penche. Chez ma tante Gervais, ah oui, du fun y en avait. Sur la butte, butte, butte, chez ma tante Gervais, ah oui, du fun y en avait. J'ai mis ma charrue sur mon dos, mes bœufs dans ma ceinture. J'ai mis ma charrue sur mon dos, mes bœufs dans ma ceinture. J'suis parti pour la bourrée, là où ce qu'il y avait pas de terre. J'ai ma tante Gervais, ah oui, du fun y en avait. Sur la butte, butte, butte, j'ai ma tante Gervais, ah oui, du fun y en avait. Tiridam, tam, tiram, tiradididam, tiridou. J'suis parti pour la bourrée, là où ce qu'il y avait pas de terre. J'suis parti pour la bourrée, là où ce qu'il y avait pas de terre. Dans mon chemin, j'ai rencontré un pommier chargé de fraises. Chez ma tante Gervais, ah oui, du fun, y'en avait. Sur la butte, butte, butte, chez ma tante Gervais, ah oui, du fun, y'en avait. Tilidam, tam, tilam, tiladilididam, tilidou. Dans mon chemin, j'ai rencontré un pommier chargé de fraises. Dans mon chemin, j'ai rencontré un pommier chargé de fraises. Je l'ai pris, je l'ai secoué, y en tombe des framboises. Chez ma tante Gervais, ah oui, du fun, y en avait. Sur la butte, butte, butte, chez ma tante Gervais, ah oui, du fun, y en avait. Tilidam, tam, tilam, tiladilididam, tilidou. Je l'ai pris, je l'ai secoué, y en tombe des framboises. Je l'ai pris, je l'ai secoué, y en tombe des framboises. Il m'en tomba sous la grosse orteille qui me fit saigner de l'oreille. Chez ma tante Gervais, ah oui, du fun, y en avait. Sur la butte, butte, butte, chez ma tante Gervais, ah oui, du fun, y en avait. Tididam, tam, tidam, tidadilididam, tididou. Il m'en tomba sous la grosse orteille qui me fit saigner de l'oreille. Il m'en tomba sur la grosse orteille qui me fit saigner de l'oreille. À travers la pointe du pied, je me voyais la cervelle. Chez ma tante Gervais, ah oui, du fun, y en avait. Sur la butte, butte, butte, chez ma tante Gervais, ah oui, du fun, y en avait. Tididam, tam, tidam, tidadididam, tididou. À travers la pointe du pied, je me voyais la cervelle. À travers la pointe du pied, je me voyais la cervelle. Les mouches qui étaient au plancher haut, elles s'éclataient de rire. Chez ma tante Gervais, ah oui, du fun, y en avait. Sur la butte, butte, butte, chez ma tante Gervais, ah oui, du fun, y en avait. Tididam, tam, tidam, tidadididam, tididou. Les mouches qui étaient au plancher haut, elles s'éclataient de rire. Les mouches étaient au plancher haut, elles s'éclataient de rire. Chez ma tante, y'avait une poule qui chantait bien le coq. Chez ma tante Gervais, ah oui, du fun, y'en avait. Sur la butte, butte, butte, chez ma tante Gervais, ah oui, du fun, y'en avait. Tididam, tam, tidam, tidadididam, tam, tidam, tididiladadidla, tidaditam, tidam, tidadididididam, tididou. OK, êtes-vous prêt à faire sauter le toit du Club Soda? Êtes-vous prêt à faire sauter le toit du Club Soda? OK, c'est ce qu'on va voir. Un jeudi soir, une gang de ces jeunes fous du pays, on voulait en voir. À peine dizaine d'heures de tôt, à conduire dans le noir, on a aperçu le bateau. Je vous jure qu'il fallait y voir. qui naviguent jusqu'aux îles. On garde l'eau, nous envelopper sans se préoccuper du temps qui file. Arrivé pas loin du bord, embouté par l'air salin, on se couchera pas bien tard, on a chaud à faire demain. On a joué notre musique, un, deux, les frères Diouf, Yves Lambert, Vincent Vallière, mes aïeux et Morissard, criait toute la public. Après la mise de show, attendez puis à danser, fallait bien un petit peu d'eau pour recommencer à giguer. La bagasse comme déjeuner, un petit rouge pour le dîner, une petite bière pour le souper, une poignée en panier. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis-St. Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis-St. Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. Et voilà, voilà, voilà. So we just listened to three songs. The first one was Adviel Kepura, un Québécois à Caracas. Then after that it was Vero and Sylve with Ma Tante Gervais. And then Mauvais Sort with Madeleine. And tonight, just as a reminder, we're doing a special Quebec because Le Vent du Nord, a band from Quebec, is coming on Sunday. Yay! And we still have a pair of tickets to give away. Right. And so they are playing at the Cedar Cultural Center here in Minneapolis, and it starts. I think the doors open at 7. Right. And the show starts at 7:30. Mm-hmm. So, yeah, the Cedar was really generous, gave us a pair of tickets for some listeners. And if you'd like to, if you're able to join, you can send us an email at bonjourminnesota@gmail.com tonight or Freddie or anytime soon. Yep. We'll check it out and we'll respond whether you win or not. Yeah. If you did, I'd say you win. If you don't, I'll say, try again. We'll have more tickets to give away, not for Le Vent du Nord, because they're coming this Sunday. But I've just learned that Café Accordéon Orchestra is going to play again. And we are very grateful for that. And we're going to have tickets to go see them at the Dakota Jazz Club. Beautiful. So that's going to be nice. Great. And next week is going to, I mean, this week, the play drive is starting, and we'll celebrate next week. So I think I'm going to do a playlist special money. I haven't done that for some of the play drive for a while. Yeah. Because the week after, it's still play drive, but it's going to be Halloween. So we're going to do a special Halloween. Yes. With, like, scary song and stuff, and kids songs and stuff like that. So that should be fun. Mm-hmm. And at some point, we should have Vincent from Chez Chloé. by Vincent. Chef Vincent. Hein? Chef Vincent will come in the studio. Le grand fromage. Yeah. The big cheese. He'll talk about his restaurant and his work and his podcast and whatever he wants to talk to us about. We won't talk about rugby, but we can't. Not after what happened this weekend. Yeah, for those who didn't follow, on Sunday, France was playing for the quarterfinals against the Springboks. I think the Australians. The South Africans, yeah. And unfortunately, they lost. So it was for the World Cup quarterfinal. There was a kick out. And so they lost at one point. If they had had one more point or five more minutes, they could have made it. But yeah, they had 80 minutes to do that. So, you know, they could have. I mean, they played well. I think it was a very tough game. South African played, yeah. They were consistent. I think France could have won, but it's just what happens in sports. I mean, only four teams are left in the world. I mean, you can't make a mistake at that level. It's just That's true. Absolutely amazing rugby. And if some of you have had a chance to watch the game, I mean, you know what it is. And there are a couple more, so stay tuned if you're interested in watching some rugby. There are a couple more weekends. For the semifinal and exactly, and the finals. And the finals. So England is going to play South Africa in one side of the fight, the semi, and New Zealand is going to play whom? Argentina. That's right. That's correct. So that's going to be interesting. And and the final we'll see. I was predicting that New Zealand was going to be playing France again, and because we won the first game against them during the groups, which was historical, because the New Zealand has never lost a game during the group stages, and France managed to beat them on the first game, on the opening one. Yeah. But, I guess that's not going to be France. That's going to be either England or South Africa. And I think England is not going to prevail. I think South Africa is going to move forward. I haven't seen many English games recently, but I would say the South African can make it. They can pull it up for sure. Yeah, for sure. All right. Well, we're going to listen to more songs. The first song we're going to listen to is still from Quebec. I mean, it's from a band called La Bottine Souriante, the Smiley Boot. And bottine in French is, often we say botte, so bottine is kind of a little bit older word that we don't really use anymore. And the name of the song is La Brunette est là. The brunette is here. Then we're going to listen to Terre-Neuve, and the name of the song is Mes Cousins du Québec. And I got these CDs, he sent them very nicely to me. He's from Brittany, actually, but he spent a lot of time in Quebec. Terre-Neuve, the guy who's Terre-Neuve. Well, that's exactly the territory of the Québécois, parce que they were moved there. The guy is from Brittany, but he's been spending a lot of time in Quebec, and so that's why this song is about Mes Cousins du Québec, my cousins from Quebec. And then we're going to listen to someone who's getting a lot of traction lately. He's kind of not only crazy looking, he's just crazy, period, and very eccentric, and that's in a fun way. And it's Marc Apol Ajos. And the name of the song we're going to listen to is Eugénie Vacon, and it's a live version. Okay. On y va? C'est parti. Je me suis faite une blonde il n'y a pas longtemps. C'est une jolie brunette qui n'a pas 16 ans. La brunette est là, gé, la brunette est là, gé, ma. La brunette est là, gé, la brunette est là, gé, ma. Oh, je ne vais la voir que de temps en temps. Je ne vais la voir que de temps en temps. J'ai demandé en mariage à ses bons parents. La brunette est là, gé. La brunette est là, gé, gé, ma. La brunette est là, gé, gé, gé. La brunette est là, gé, gé, ma. J'ai demandé en mariage à ses bons parents. J'ai demandé en mariage à ses bons parents. Ils m'ont bien venant pour de tendres amants. Que c'est donc venant pour de tendres amants. Oh, puisque c'est ainsi, mais rends-moi donc tes gants. La brunette est là, gué, gué, gué, gué. La brunette est là, oh, gué, gué, man. La brunette est là, oh, gué, gué, gué. La brunette est là, oh, gué, gué, man. Car je ne les porterai mais que deux fois par an. Je ne les porterai mais que deux fois par an. Le goût de la Saint-Pierre puis aussi de la Saint-Jean. Saint-Pierre et aussi de la Saint-Jean. Le jour de la Saint-Pierre et aussi de la Saint-Jean. Le goût de mon mariage, les porterai tout le temps. La brunette est là, gué, gué, gué. La brunette est là, oh, gué, gué, ma. La brunette est là, oh, gué, gué, gué. La brunette est là, oh, gué, gué, ma. La brunette est là, gué, gué, gué. La brunette est là, oh, gué, gué, ma. La brunette est là, oh, gué, gué, gué. La brunette est là, oh, gué, gué, ma. Hugen i vakansen, vi vet att du stött sak. Vad som har glatt tro, alla rätt som grätsat. Sitt i parna glad och glad, ett i tro att du stött. För parleja i genisa, vad bra den äter bröt. Alla ta han bara säga, fick sig vivre sig sås. Vacka fia jag har mött, var takklubb med mig nå. Alla tuff beskönt, så lappa jätte långt där. Och vi takklubb med mig nå, vid mat i dyckastel. Are you a virgin? No, my back off from this jet. Never been better than yes, it once and never wet. I did talk to Ben and no, I told you once or twice. I'm trying to tell you, I'm embarrassed with my life. Eugenie vacances, vie vie de tous têtes, ça pas son nom de trop, alors axo gratsat, si tu parles glad light, et tu vas tous têtes, pour parler à Eugenie, ça va prendre un interprète. Sa cousine Jackie reste là-bas à Bastien. Elle va pas venir visiter dans pas sa quarantaine. Elle s'en venait à visiter pour y avoir né éveillé tard avec les frères et Eugénie. Nastan, c'est un de l'or. Eugénie jette la botte avec ses deux frères. Sa cousine de parquet, quand sa botte elle va ouvrir. Elle dit cousin Jackie, you travel very far. Do you remember my two brothers? That's the ass and not the lard. Eugenie vacances, une vie vide de stead sort. Pas son nom de trop, alors exo gratsat. Si tu parles glad light, et tu vas de stead. Pour parler à Eugenie, ça va prendre un interprète. Les enfants, sa voisine anglaise, il m'a dit à soigner son garçon. Flamme en fesse, le petit gars court à l'or. Il saute dans les mêmes chalets, gratuit les becs. Sa voisine arrivée à la fin de la journée. Elle voulait savoir si son gars ça va comporter. Et je n'y trouve que le petit gars est à job. A dit, your son is playing outside with no heart down. Eugenie vacances, vie vie de tous jets sort. Pas son angle trop, alors exo gratsat. Si tu parles le gang là, et tu dois à tous jets. Pour parler à Eugenie, ça va te prendre un interprète. Et voilà, voilà. Alors, les Québécois. Well, we just heard three songs from... Oui. People from Quebec. The first one was from La Bottine Souriante with La Brunette est là. Then Terre-Neuve with Mes Cousins du Québec. Mm-hmm. And then Marc-Apoll Ajos with Eugénie Vacon. And it's a live version from 2021. So that was pretty cool. Très bien, oui. I like it. Ah, oui, oui, très sympa, très sympa. And we're going to talk a little bit about the events because there are some things coming up. So, this coming Thursday, at 6 p.m., between 6 and 7:30, Le Bal Perdu, The Lost Ball, Dance Traditions from the Corner of from the Corners of France by Leslie Barr. I think it's in two things. I mean, the explanation is pretty long. There's not a cost, but just like a contribution, but... there's going to be some musicians and someone is going to explain, you know, what was France and traditional dances with bagpipe and hurdy-gurdies. And there's going to be some musicians too. And so that should be fun. Yeah, like kind of a traditional historical part of and balls. The practical part after that with some dancing. Yeah. And the same person, Leslie Barr, on Saturday, is going to have a workshop, French dance workshop with Leslie Barr. And it's Saturday at 2 p.m. And if you want more information, it's also listed on the Alliance Française website, afmsp.org. The location is Walter J. Breckenridge, Chapter Isaac Walton, League of America. And the location is 1232 Benfield Circle North in Minneapolis, Minnesota. 55444. But you can, in both cases, you can go to our Facebook page, find the events, and it's going to be there. Then on Thursday at about the same time, so you may have to split yourself, Apéritif en Français and it's going to be at the University Club of St. Paul. It's about a once a month group conversation group. And the University Club of St. Paul is located at 420 Summit Avenue. And, you know, it's, yeah, conversation group, but the advantage versus a coffee shop is that you can drink. And with a drink, typically you speak better French, or you're less shy about it than with a coffee. So that's fun. But it's a standard. So, I mean, it's a regular. You find it every month. So if you miss 1 month, you can go back, but it's this Thursday. Then, we talked about it earlier, because we still have a pair of tickets to give away for Le Vent du Nord, an evening with Le Vent du Nord at the Cedar Cultural Center, thanks to the Cedar. And it's going to be Sunday. And yeah, doors at 7, show at 7:30. And so there's a different price whether you come the day of the you pay the day of the show or in advance. And thecedar.org is their website, and you can get tickets from there. Otherwise, you can still you can also go on our Facebook page. And that was it for the events. Now we're gonna change a little bit, and I mean, we're not changing the style. It's still gonna be from Quebec, but it's a little bit more modern, less traditional music. Mm-hmm. We're gonna listen to Céline Dion with En Amour. Then we're gonna listen to Robert Charlebois with Je reviendrai à Montréal, I'll come back to Montreal. And Les Cowboys Fringants with Les Étoiles Filantes. On y va? C'est parti, Freddy. D'où je suis, je vois des anges et des tourterelles. Si l'on m'avait dit qu'un jour je vivrais dans le ciel, j'ai fait la rencontre d'un garçon, c'est la grande nouvelle. Et je plane. Et des horizons, des étoiles inconnues qui ont toutes le nom de celui qui partage avec moi sa route et ses chansons. Et je plane. Oh.

et que les rêves des ticus s'évanouissent ou se refoulent dans cette réalité crue qui nous embarque dans le moule. La trentaine, la bédaine, les morveux, l'hypothèque, les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs. Travailler, faire de son mieux, d'arracher, s'en sortir et espérer être heureux un peu avant de mourir. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de notre petit passage dans ce monde effréné. Après avoir existé pour gagner du temps, on dira que l'on était finalement des étoiles filantes. Comme ça, tranquillement, pas loin du carré Saint-Louis. C'est qu'avec toi je suis bien et que j'ai plus doucement faim. Parce que tu sais, voir trop loin, c'est pas mieux que regarder en arrière. Malgré les vieilles amertumes et les amours qui passent, les chums qu'on perd en brume et les idéaux qui se cassent. La vie s'accroche et renaît comme les printemps reviennent dans une bouffée d'air frais qui apaise les cœurs en peine. Ça fait que si à soir t'as envie de rester avec moi, la nuit est douce, on peut marcher. Et même si on sait bien que tout dure rien qu'un temps, j'aimerais ça que tu sois pour un moment mon étoile filante. Et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. Et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. Des étoiles filantes. Et c'était les Cowboys Fringants avec Les Étoiles Filantes. And right before that, we listened to Robert Charlebois, Je reviendrai à Montréal, and Céline Dion avec En amour. You're still on KFAI listening to Bonjour Minnesota with Adrian and Freddy. Voilà, voilà. And we have a winner. We do. Thank you, Arlo, for contacting us and winning the ticket. So, Arlo, you'll be able to go see Le Vent du Nord. And she said, it's very nice. I mean, saying that I love Le Vent du Nord and I love your show. So that's pretty cool. Thank you very much. Congratulations. That's going to be a fun time. Yep. Maybe you'll get to see some of us there. I don't know. I might go. If you listen to the voice, you may recognize. But thank you again. This is a great opportunity to see them here in Minneapolis. All right. Voilà. Next week is Pledge Drive. Yes. So start saving your money. Save your money, but not just that, right? I mean, there's also a car donation program. That is true. Really good. That's really a great thing for KFAI. So if you want to support that way, if you want to support on a monthly basis, as you can, you know, and then you know what? Notice there, if you feel like you want a new pair of socks for the winter or something, I honestly don't know right now what the premium looks like. I think it's going to be a release soon of all that, but we'll make sure that we share that with you so you can you can go on that website and take a look for yourself as well. On the website is kfai.org. And as soon as we get pictures, we're on Instagram and we are also on Facebook. So follow us and we'll be able to you'll be able to see the pictures because we post about that. On Facebook, we also post about news when there's some worth. Yes, and don't forget to stay tuned in. It's 9:35 and we're here until 10 with you before Balkan Jamboree at 10. All right, without further ado, we'll listen to a few more songs. What are we going to listen to? On va écouter Mélisande. With the name of the song is Amusons-nous Jeunesse. Let's have fun, youth. Yeah. It's so funny when you actually it's a song. New band and they are doing electronic music on all the traditional songs. Very cool. Yeah, Production du Moulin. Second song will be from Charlotte Cardin. I like her. N'importe où with Cri. And then the last one we'll listen to here for this set is from Lisa Leblanc. Cerveau ramolli. soft brain. Yes. We'll have to listen to that one. All right. Let's go. C'est parti. Nous sommes jeunes et gentils. Il faut se divertir. C'est comme ça dans la vie. Quand on aime le plaisir. L'amour dans nos pensées, le cœur en festival, on ne fait pas de mal à danser, à valser. Amusons-nous jeunesse, amusons-nous toujours, le temps de la jeunesse ne durera pas toujours. Tous exceptionnel. Le soir venu, nous coucherons seulement dans les plus beaux motels. Pendant quelques heures, je conduirai jusqu'aux abords de mon sommeil. Puis je t'enfilerai le volant chassant. We're back on Bonjour Minnesota, and it is Tuesday night. And something I didn't say before, you still can go to kfi.org and check out French Influences Radio Show Therapy. It's a web show that I'm doing, and I did the episode 131 recently. Ooh. So check it out. Or on Mixcloud, it's also hosted on Mixcloud. Mm-hmm. Should be nice. Yeah. So what did we listen to, Adrien? Alors, Freddy, we listened to Mélisande, Amusons-nous Jeunesse. And then the second song was from Charlotte Cardin, which I really like that song. Fou N'importe Où. And the last one, a lot of energy, from Lisa Leblanc, Cerveau Ramolli. you know, the soft brains. So I was looking at the lyrics and she was just saying, yeah, I'm nothing happens in my life. I watch TV in my PJs and I go to bed at 9 and my brains are getting soft on me. So, sagging brain. Yeah. So, yeah, Lisa, I can resonate, you know, sometimes. So. Me too. But she still has a bunch of energy to give. And that was a really fun song. So great pick. Yeah. Okay. Well, we're going to listen to a few more songs here. We have about 15 minutes still together. But before that, we'll play a couple announcements. And then we'll listen to Jean Leloup, Au Jardin de ma mère, Blue Jeans Bleu, Coton Ouaté. That song is about Coton Ouaté. It's like a thick sweater, and it's about the weather. He's looking at other people, how they're dressed, to see how he's going to dress based on the weather, because it can be cold in Montreal. We can see that. There's no bad weather, just bad equipment, right? Okay. And Les Colocs from Dédé. So we have a few songs coming away, but before that, we will play just a quick couple announcements. KFAI is proud to present Madison McFerrin at 7th Street Entry on Sunday, October 22nd. Independent artist, producer, and musician, Madison McFerrin has released her highly anticipated debut album, I Hope You Can Forgive Me, an astonishing meditation on the themes of love, self-preservation, fear, and conjuring. McFerrin approaches vulnerability with a burning desire. Lush soundscapes bleed through the entirety of the project, cushioning its grisly lyricism with percussions and silky vocal blends. Local artist Zyna opens the show. Tickets for Madison McFerrin can be found at the First Avenue website. Visit first-avenue.com for more details. Learn how to camp, paddle a canoe or kayak, mountain bike, or fish with ICANN programs from Minnesota State Parks and Trails. ICANN programs use hands-on instruction from friendly crews to help you learn new ways to explore state parks and trails. All gear and equipment is provided, and ICANN programs are all super affordable or even free. Experience the outdoors with your family or friends. Learn more and reserve your spot at mndnr.gov/ICANN. tu baignes dans ton coton ouaté? Si dehors il fait beau, mais que ça a pas l'air chaud chaud, je m'installe debout devant ma bay window pour savoir si c'est une journée de petite laine ou de kiwi. Je me fie sur le passant le moins habillé. C'est là que j'ouvre ma fenêtre et sans me gêner, je lui demande comme si c'était mon bon body. J'ai dit, hey, fais-tu frette? On est-tu bien juste en coton ouaté? Hey, y'a l'air de faire frette. T'es-tu bien dans ton coton ouaté? Lorsque vous êtes ambigu à propos de votre tenue, regardez les gens défiler dans la rue. Un col en vie, un col roulé, des pardards ou froc doublé. Est-ce une bonne journée pour sortir en bustier? Un pantacourt ou un pantalon? Grosse combine ou ben bas de nylon? Une bonne paire de Kodiak ou un bas blanc dans vos sandales? On se laisse influencer par comment le monde est habillé. Mais pourquoi espionner en cachette? Y'a pas de honte à faire la blette. Dites hey, faites frette. On est-tu bien juste en coton ouaté? Hey, y'a l'air de faire frette. T'es-tu bien dans ton coton ouaté? Hey, faites frette. On est-tu bien juste en coton ouaté? Hey, y'a l'air de faire frette. T'es-tu bien dans ton coton ouaté? Juste en bas de chez moi sur la rue Mont-Royal, y'a un petit gars, y'a pas de bicycle. Mais y'a une mère, mais c'est pas sa mère, puis son père, c'est un alcoolique, c'est classique. Des fois, y'a une autre mère qui est pas plus sa mère, elle vient le chercher, ça fait du bruit. D'ailleurs, le bruit, c'est toute sa vie, à part la folie. Waouh, waouh, waouh, dis-moi comment tu fais pour endurer tout ça. Dis-moi qu'est-ce que je peux faire pour t'avenir en aide, chasser les démons qui rentrent dans ta tête. À 7h du matin, et j'entends des cris d'aider. Viens ici! Je pense que Dédé, c'est un fils de putain. On traite comme un chien à pipi, à pipi. À l'autre, si l'on rigole après lui, une chance qu'il va là l'après midi. Ça fait que Dédé va jouer dans ruelle avec les poubelles. Wow, wow, wow, dédé, dédé, dédé, dédé. Dis-moi comment tu fais pour endurer tout ça. Dis-moi qu'est-ce que je peux faire pour te venir en aide. À chasser les démons qui rentrent dans ta tête. Oh, oh, oh, hey! Le bruit parti vit sa vie. Homme de couverte puis son vieux toutou. Enfin le monde est tout. Oh Serge! Oh de rêve à l'autre, il patine et s'amuse. Il danse et rit avec ses chums. Il va le laisser la ville avec des éléphants. Enfin y'a du fun. Watch out! Merci. Je chante comme une casserole. On y va. Et voilà, we are back. Indeed. Bonjour, Minnesota, and we're getting close. Yeah, we're gonna have to go home. Yeah, it's we have time a home to go to. Goodbye already, which is nice. Yeah. Oh no. No, but what's nice is that Nikolai is in the studio here, Studio 4 with us, and he's all ready for some jams for Balkan Jamboree, and so we're really excited for that. And we just wanted to say thank you. Want to say congratulations to Arlo again for winning the tickets to Le Vent du Nord. It's a band that we hope you'll appreciate. And I want to thank Freddie for preparing that great Quebecoise playlist for tonight and keeping us jamming. And Freddie. And good night. That's it. Last word. I'll be back next week. All right. Well, Pierre, we'll play Pierre Lapointe, Qu'est-ce qu'on y peut? And then we'll leave you in the good care of our friend Nikolai. Thanks for listening and au stay revoir. Tuned. Reste là, ne bouge pas, le temps que la beauté se fige, le temps d'apaiser les vertiges que nos corps nous infligent. Dans la moiteur de la chambre, dans le silence de l'abandon, essayer de se persuader que ce n'était pas si bon. Que personne ne regarde. Que l'amour dure une vie, qu'il meure à la fin de la nuit. Ce soir, tu seras mon trésor, l'extension de mon corps.